Avant de commencer, nous voulions vous dire que notre petite série, L'Aventure de Noël, vous est offerte par ribambelle.com, le site des activités en famille. Bon épisode! Les petites histoires de Telmi. L'aventure de Noël. La révolte des jouets. Ce matin, alors qu'elle sort en trombe de sa chambre, Baya ne remarque pas que tous ses jouets la regardent. Dans la nuit, alors qu'elle ronflotait paisiblement, une fumée verdâtre s'est glissée par le trou de serrure de sa chambre et s'est insinuée en eux. La rumeur des conversations entre les jouets emplit la chambre. Alphus est le plus vieux jouet de Baya. C'est un chevalier monté sur un poney à la crinière arc-en-ciel. Il prend soudain la parole. « J'en ai assez d'être laissé de côté. Ce soir, quand Baya rentrera, les choses devront changer. Qui est avec moi ?» Des regards s'échangent, puis les vivas retentissent unanimes. Perché sur le lit de Baya, un petit chien en peluche tout usé les regarde médusé. Mais enfin, les copains, pourquoi vous rebeller? Elles vous aiment tous? Réveille-toi, Rourou. Tu es à part, toi, tu es un doudou. Un jour, comme nous, elle t'oubliera, mais tu ne vaudras pas mieux qu'une vieille chaussette. Non, elle ne m'oubliera jamais. Si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Attrapez-le! Une horde de jouets bondit des étagères et escalade le lit. Le vieux chien tente de s'enfuir, mais ses pattes toutes molles l'empêchent d'avancer. En un rien de temps, il est ligoté et bâillonné. Peu après le déjeuner, Léo et Baya débarquent dans la chambre. Devant eux, une armée de jouets bien en rang, immobiles. Léo est enchanté. Baya, interloquée. Elle est sûre de n'avoir jamais rangé ses jouets comme ça. D'un coup, la porte se referme, les jouets poussent des petits hurlements et se jettent sur eux. Stupéfait, il se retrouve saucissonné dans une couette. Du haut de son poney, Alphus les toise, les yeux verts de colère. Il était une fois une petite fille qui aimait tous ses jouets. Ensemble, ils vivaient des tas d'aventures pleines de rêves et de sucreries. Et puis, un à un, elle les a tous abandonnés. Mais c'est faux, je vous ai tous gardés. Dis plutôt que tu nous as mis de côté, comme des trophées sur tes étagères ou des rebuts dans ta malle. Un brouhaha de rire et de protestation envahit la chambre. Et après Noël, la situation va empirer. Mais non. Ah bon? Depuis combien de temps tu n'as pas joué avec moi? Et avec Roger, le dino? Ou ta poupée Zoé? Le bras de robot, tu l'as réparé? Les figurines que ton cher ami Léo t'a offertes l'an dernier, tu les as déballées? Pauvre enfant gâté. Le menton de Baya se met à trembler, les larmes à couler. Léo interpelle Alphus tout penaud. Excusez-moi, monsieur le chevalier. Le jouet pointe son épée en direction du garçon. On ne t'a pas sonné! C'est un peu à cause de toi si Baya nous a oubliés. Léo déglutit mal à l'aise, mais ose continuer. Peut-être, je suis désolée, mais si j'ai bien tout suivi, vous voulez juste qu'on joue avec vous, c'est ça? Étonné, Alphus en lâche son épée. Il est presque désarçonné. Il se ressaisit. C'est l'unique destin d'un jouet. Sinon, à quoi bon exister? Mais vous savez bien que vous ne pouvez pas rester pour toujours avec nous, pas vrai? Une chape de plomb écrase l'atmosphère. Bientôt, ça renifle et ça écrase des larmes un peu partout dans la chambre. À nouveau troublé, Alphus rétorque d'une voix chancelante. Et pourquoi pas? Il y a une loi qui nous empêche de rester ensemble à vie. Léo le regarde avec un sourire bienveillant. Non, mais on grandit, c'est comme ça les humains. Enfin, je crois. Une vive émotion parcourt l'assemblée des jouets. Une fumée verdâtre sort de leur petit corps. Le chevalier s'effondre en larmes sur son poney. Baya sèche les siennes dans un coin de la couette qui la retient prisonnière. Vous savez, il y a plein d'enfants qui rêveraient de jouer avec vous. L'espoir renaît sur le visage de chaque jouet. C'est vrai? Oui, on a même un copain, Elliot, qui collecte des jouets à l'école. Il les rafistole et les redistribue pour faire des heureux. Alors qu'un murmure enthousiaste s'élève, Baya en profite pour demander aux jouets de les libérer. Les enfants vont chercher un grand sac dans lequel ils proposent aux jouets qu'ils veulent de monter. Certains s'y précipitent, d'autres hésitent, et d'autres encore, comme Alphus, préfèrent rester. Baïa leur promet de ne jamais plus les laisser de côté. C'était un épisode de l'aventure de Noël. À demain pour le prochain.